بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديق مولانا أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين لطريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الإمام صلاح الدين بن محمود التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به وأنه تعالى يكون سمع العبد وبصره ويده وقدمه في نتولن وأنه تعالى يده وقدمه في النار كنت نجمونتي مويني برمب سبحانه وتعالى يقلنني مانام تبير tajalliyat nga xamantene mom lay def tajalliyat nak moy feñu xéetu manifestation wala buna la manifestation tubab bi en français dañ nan manifestation nan tajalli tajalliyat do pluriel la ci tajalli moy ben bi tajalli moy feñu manifestation legi suñu ne tajalli ilahi manam donc manifestation divine amna ben dañ koy faral dañ koy traduire en un seul mot théophanie voilà en un seul mot manifestation divine voilà mais man damay préférer di utiliser manifestation divine que théophanie parce que théophanie soko waxe seul ki ñoy xam li ngay wax manam seul ñi nga xamné voilà initié nañ quoi awami li ko xam quoi voilà awami voilà duñ ko xam alors que bonne manifestation divine en tout cas lu way ñak xam dina xamné ni xétu feñu way la ak yu mel non voilà ayo légui kon ne borom bi ba pare aussi amna benen a utilité bu ci nek moy le fait que boné te manam da fay traduire deux mots ak mot bu nek ak mot manam tajalli mu manifestation ilahi divine voilà manam nga xamné len lu ci nek da ko traduire bokku na ci nak manam te gisoon nañ ne tajalli yat yoy feñu way yoy borom subhanahu wa ta'ala di feñu a chaque fois muy feñu dara manam ay mbir la yo xamantene feñu way la def ci ben addu buñu tuddé alamul khayal nak malgré que aduna la bo xamantene dafa yaatu torop mais bo nga xamantene mais dafa xat tamit voilà manam moy lan moy ne dafa yaatu te borom subhanahu wa ta'ala fofu lay feño da fay fala ci alamul khayal la borom subhanahu wa ta'ala fofu nonu manam yi nga xamanteni dañu impossible ci mu xel yep fofu nonu manam budé ci alamul khayal day daal nek lo xamné ay possibilité lay doon ba paré réalité sax lay doon addo lo bo xamanteni dafa réel bo xamanteni dafa dox digënté borom subhanahu wa ta'ala ak jaamami borom subhanahu wa ta'ala di melo fofu melo jaami jaami di melo fofu melay borom subhanahu wa ta'ala manam mu nek kon mi rencontre monde bo mo xamantene le mi rencontre la entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs donc lolu mom moy manam alamul khayal non la mel kon aduna la bo xamantene mi ngi manam mi ngi nek ci souf suñu wax ardu simsima wala ardu simsima lañ ko wax ndax muy souf so xamantene moy ndesetu souf sima borom subhanahu wa ta'ala bindew mom adama alay salam motax souf soso nak kenn ku ci nek ci nit ñi dañ ci am benn parti parce que kenn ku ci nek ci ñun amna benn walu ci mom adam alay salam bu nek ci yow parce que lool mom motax mu meuna nek sama parce que le fait que manam nit ki bu juré nit ki manam moy amna lenn ci mom lu taxu dem ci dom ji lool mu nta ñak voilà lool nak kon moy ne ñun kenn ku ne ci ñun amna lenn ci mom adam alayhi assalam lu nek ci ñun manam kon soufos mom adam alayhi assalam mo nek ci ñun batay te souf soosu nonu nga xamne mom lañ ko tabaxé mom lañ ko défaré ci souf soosu ci la mom alamul khayal manam ci lay amé motax manifestation yoy nak borom subhanahu wa ta'ala diko def nit rek moy ki nga xamantene kon mom mo meuna dajalé yépp comme li nga xamantene nonu la borom souf soosu nekké souf si nga xamantene manam mom moy place bi nga xamne fofu la borom subhanahu wa ta'ala defé manifestation bi mom la borom subhanahu wa ta'ala di defé feñu wayam bi ci bir feñu waye nak bokku na ci manam yi nga xamantene ci xel dañuy gis ni man tane mais ci réalité bobu ci haqiqa bobu existé non tax borom subhanahu wa ta'ala xabaare nañu ak existence am ak amam te mom moy ne da fay tek ndeggu tankam moy pied da koy tek ci sawara manam da koy duggal ci bi safara comme niñ ko gissewon manam ne borom subhanahu wa ta'ala day tek qadamahu manam tankam yi ndeggu tank yi han ci sawara gisone nañ ba gisone hadith bi nga xamantene hadithena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mi ngi nek ci sax ñaar sahay ak ci yenen comme ni ñu gis yiñ tudon ci jotta yi bi weso ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne tahajjat manam genre xëccono wala xulona aljannatu aljanna wan naru ak sawara fa qalat an nar sawara ne usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina usirtu man de donala nagn ma bil mutakabbirina ci ñinga xamantene ñom ñoy ñi reey reey lu wal mutajabbirina ak ñi di bandi bandel di ni kan nga lu ci bir nit ñi hmm di jaay affaire ci bir nit ñi wa qalat al jannatu al jannane mali man ana lu xew ba man mi kat wala wak ñeeluma bala ya dukhuluni ba duma duggu illa du'afa annas lulul ni new dole ci nit ñi wasaqatuhum ak ñinga xamantene manam way ñu ñu wacc lañ manam ñu dul jox ben solo lañ manam ñu doye di rek ak ñu dox solo ñoo ñu moy duggu ci ñoo ba lolu waxon nañu ci jota bi wessu manam ne lolu limi di tekki moy ne ñi di ngann ngandalu kuy di ngann ngandalu lolu caractère la bo xamantene moy caractère ñu dul dem ci yalla et que ñi nga xamantene ñom dañoo niw doole rek nekk ñoo xamantene dañoo ñak solo tektele wul ne dañuy niw doole réellement wala dañ ñak solo mais lool moy seen yeug manam moy duñu yeug seen bop comme étant ñu ngann nañu ki duñu reey reey lu duñu japp nañu gën nit ñi duñu ki et cetera té jotay bi wésu lool yaatalon nañ ko bu baax ba danaka ci lañu mujjé wax ba di wax problème manam ñi nga xamantene non la manam conception des choses yi ñu wara am ci mbir yi han ak reey reelu geek yoy manam le fait que matuko ak tamit ne gravité bi nga xamne mom mo ci nek ak surtout njariñ bi nga xamantene mom mo nek rek ci ne manam ci bañu reey dal et que ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yegg ci yalla moy ñi du reey buntu yalla yalla buntu bi du ko ubbi lu dul ñam ñi nga xamantene dañoo wacce seen bop dañoo woné ak doodi manam go xamantene dafa réel ci ñom mu baña nek tamit ben xéetu fausse modestie wala mu baña nek fausse modestie mais mu nek une vraie manam né deug ñom loolu lañ japp ki nga xamné nak dafa japp né mom mi ngi ni mom jikoy modestie néna ci mom non vraiment man nak je suis humble quoi vraiment je suis modeste manam koku en fait modestul humbleul parce que pour nit ki modeste wala mu humble manam moy mu nek wacce bopam il faut que mu manam limi di def da fay japp né soit dafa normal kessé wala batay defugul liko war ci wacce bopam ak yu mel non manam fek jappugul lol c'est parce que modestul parce que munuma modeste ba bari di japp né dama modeste lol man tane manam ñaar mbir la yu contradictoire voilà denga wa qalat mu wax aljannatu mali wa der mun qala mu wax allah bur yalla tabaarak barkel na yiwlo wi doleku leppam wat alaati kawena mom yalla lil jannat ñal aljana anta yow kat aljana rahmatu yasi man yeurum nda arhamu ma ngi yeurum bi ko ci yow man ashaaku ma sob min ibadi sama jami wa qala mu wax lin nar ñal sawara ne ko innama li am bares moy anta yow azab yasi mo bugal azab damay bugal bi ko ci yow man ashaaku ma sob min ibadi sama jami wa li kulli waahidin ñal kep kenn nak min huma ci ñom ñaar mil uha la koy fessel ku nek ñom ñaan ñup amna lu leen di fessal manam sa aljana dañ ko yow ya sama yeurum ne damay lay yeure damay jaare ci yow di yeurum kuma sopp yow nak sawara yow sama mbugal ga damay mbugal jaar di mbugal kep kuma sopp waye nak kenn ku ci nek ci ñom yeen dib sallallahu alayhi wasallam ne amna lu koy fessal fa amma naru dal sawara nak mom fa tam la u dana fess hatta ya da mbete mu tek rijlahu ha gisoon nañ hadith bob manam ne bis bi alquran la yawma alquran yawma naqulu li jahannama halamta la fataqulu hal min mazid bis bobu aljana sawara non dañ ko dañuy duggal ci bir ay nit ñi di duggal suñu duggalé sawara day da def genre comme bayel bu lek ganar ni rek ba dal def ni fuddu ni rek nga gis bir bi resat après mu dal ni doli wat len consommer wat len voilà sawara wa bo manam mom bu kiyé hein voilà wa bu kiyé non rek day dal def ni rek voilà rek affaire yara ha mu dal nañ ma doli ñu doli wat voilà ba mune nak hatta mbete ya da mu da tek rijlaho manam rijl moy tank fa taqulu mun qat moy doyna wala comme wala bok mune voix bobu la qat fa hunalika fofé nak tamtaliu ci lay fessé wa yuzwa mulamu ba'daha lan ila ba'din dimta lanen li wala yadhlimu tadtoñ allah bu yalla azza wa jalla magna tedna min khalqi ci minde fami ahadan ken wa amal jannatu dal aljana fa inna allah li yubur moy bur yalla azza wa jalla magna tedna yunshi'u laha danako sosal lu yunshi'u dana soxal laha ñal ko khalqan ak minde manam day créer ay minde pour ñu fess fa legi bat yi borom xam yi dañ ci wuté rahmuhumullah manam ci naka lay tekki parce que waxon nañ ni qadam jotaay bi wessu da melni waxon nañ ko wala suñ ko waxul won kon mën nañ ko wax legi manam ne qadam tank ndegu tank gi wala rijil ci hadith bi ci benen hadith bi moy tank bi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañuy wuté ci lan lay tekki am nañ ño xamantene ci mufassiru ne man wa ñi surtout ci buñu yexé ci ay bobu yoman suuf yoman aqul li janam wal halmtu lati wa taq fa taqul halil masjid suuma dañuy faral di indi ay bi na wala bok hadith bi ndax hadith bi dafa ñew ci sahihi sax imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ñu dañ ko solo ñi di sa sharh hadith tam dañ koy faral di tuddu hadith bi kon da fay wax ne ci pour dem ci côté bi nga xamne mom mo ñu gëna intéressé moy ne bu sawara yalla daf nan ko ndax fess la mu ne ndax mën nga ma doole mu ne ba yalla dekk ci li ñu tuddé qadamahu qadam nak littéralement moy la moy ndegu tank moy pied mais qadam da fay tekki li nga xamne mom moy li ñu jital parce que xam nga qadam mu ne qaddama jital na qadam moy lu jitu lolu lañu jital al qidamu moy ak jitu moy pre eternite al qidamu moy lu jitu motax muqaddam moy ki ñu jital manam da ngay gis kon muqaddam voilà donc yoyep kon lenn lu ci nek dafa am dafa am manam qadam kon khaf dal ak mim day junjou ak jitu manam bepp harf bepp bat bo xam dafa na khaf dal mim da fay am rapport ak jitu kon lolu bu boba borom xam xam yi ne rahmatullah alayhim bon mbolo ci ñom ne limi tekki moy kon ne limi tekki moy ne la yalla dogalon ci lu jitu ne ñoño buñ leen fa duggalé fofu la safara di fessé bu ca ñoño duggé mu ne khaf manam moy legui nak doyna wala fessna lolou bob ben xetu tawil la manam kon bu boba xadam dot ñuko tekke ci tank mais dañ koy dali tekki ne li borom subhanahu wa ta'ala tu firé manam ne lolou manam bu ko mom la fa tegon mu jitu legui mu am luñu wax xadam lu tuddu buñu xolé amna ñeneen ñu ne dedet xadam limi tekki moy ne manam tank lay tek waye buñu xolé hadith bi manam ci riwaya bi nak hatta yada'ul jabbar qadama jabbar la hadith bi wax manam jabbar moy fan moy yalla mi nga xamantene moy ki note ñep ha di jagn dam yi manam parce que jabbar ñaari mana lay tek day tekki ki nga xamantene moy note moy ci jabru la joge jabru moy forcer motax ki ñu lan jabriyey moy ñu tuddé len al jabriya moy ñi nga xamne ñom dañoo japp ne moy li ñi ñi les fatalistes li ñaan le fataliste ñoo la ñoo tuddu al jabriya moy ndax ñom dañoo japp ne mbir yi day xew et que ñom amuñu ben choix ci dara et que mbir yi dal day xew rek donc dañuy subir sur circonstance yep am problème mo ñoo tuddé lan al jabriya ndax jabar gog al jabru kon manam day tekki forcer mom la yalla nan yalla bugul al go gisou fiñu wax nan sawarane man lutax ba mune usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina manam utiliser baata jabar moy ñi nga xamantene wala dañuy note nit ñi alors que jabru day tek kon lool mais day tekki aussi mune borom sax inna allaha la yuhibbu kulla jabbarin anit yalla bugul kep ko xamantene da ngay ngand nga lolu ci kaw nit ñi manam da nga len di note ba para nek ko xamantene da ngay fetirlu waya mu am benen sensu jabru bi di teki manam moy jagn moy di jagn jagn dam dam yi moy lan moy reparer wala wala fama li ghayr allah jabira kasrati zo mom la seyd hadjma di wax ci radio ci fala bu dem chaque fois amuma kenen kudul yalla jabira kuy di jagn kasrati samay dam dam manam moy réparateur donc jabar day tek ñaar sens moy le contraignant mais da fay tek le réparateur voilà légui nak bu boba hadith bi dafa ne ba jabar dañi tek qadam bi manam ci benen rew bi moy rijl bi bu boba budé qadam wala lolu bu ñu jullé ba paré inshallah ñu ñew su mu gëna ñu gën ko mëna yaata inshallah ñu am fofu inshallah jull bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ay kon ñi ngi yomon ci qad ci qadam ak hatta yada'u al-jabbaru qadama wala hatta yada'u al-jabbaru rijlah xam nga jabar manam buñu xolé kon le fait que mu utiliser bat jabar moy ki nga xamne moy ci note parce que ñu ne motax ñuy wax ne borom xoxo rahmatullah alayhim wala bok mbolo ci ñom di wax ne hadith bobu le fait que mu utiliser bat jabar te utiliser benen tour yalla yi ni sax tour yalla ci bopam lool day tek le ne manam que ni yalla mi nga xamne moy note ñep dafa am ben xétu tajalli bu muy def manam feñu bu muy feñu ci safara feñu bobu nak mom motax safara fess manam safara ne doyna manam yalla bu deme ba feñu ko rek ci ben xéetu feñu bo xamni ci touru jabar lay défendre manam ci tanjal yaat min tanjal yaat ismihi al jabar manam ci feñu way turum bo nga xamni moy al jabar ci lay aju rek nga xamantene en même temps day da fay nek ku contraindre safara mam da koy note mais en même temps li nga xamantene mom moy vide bi muy ressentir da koy réparer da koy défarat manam mu nek kon jabar légui nak mu doga wax ni khat manam moy baxna wala doyna wala bok mu nek bruit rek bu muy def manam comme lu fess ni mi defé comme bu dara toké ci kaw ndox ni mi defé tok nonu voilà bobu gis bobu ben la ci maana yi manam maana la bo xamantene maana bu deugur sax la surtout ci ñi nga xamantene ñoy def tafwid ko surtout ñi nga xamantene ñoy def tafwid mom ñoy bayyi maana bi ci lu borom bi subhanahu wa ta'ala mais legui bu re riwaya ridjla xam nga ridjel ñom dañu wax ne day tekki lan day xam nga ridjel ñom moy tank manam tank bi yep quoi pillé mom lañ wax ridjel moy tank legui qadam moy ndegu tank saq moy yel jam mais buñu xolé baatu ridjlu kon bu boba tamit mën na nek parce que dañuy wax moy bu boba day firi qadam ci gënal mana ci ñi di def ta'wil manam ñi firi ñi ta'wilé mbir manam ñi di interpréter mbir mi ne limi tekki moy yalla da fay duggal ñi nga xamne ño mom la dogalon ni ñi ñofay dugg parce que dafa am manam ñoñu nonu mën na nek ay nit ño xamantene manam ñofu mujjé dugg ak jinné mais man na nek ñi nga xamantene effectivement yalla daf leena créé won rien que pour ñu fessal safara manam ñom jotu ñu jaar duñ jaar ci aduna ñom jaar ci dañ ay créature la yu yalla bind pour que bu safara fessul ñom ñu fessal safara voilà lolu mu am lolu bu boba baatu rijeul tamit manam su fekkante ne ñi di firé na la xadab manam moy ñi yalla dogalon ci lu jitu ni ñi ñom lay fessalé safara daf leena bind rien que pour après mu fessalé len safara ñi ko firé rijeul manam bu boba baatu rijeul tam ñomit duñ ci am problème batay kenn du len wax ni ah non mais légui baatu rijeul nak dañ nan la bu boba rijeul parce que rijeul groupe la manam day tek ci arab tamit moy mbolo comme mbolo ki njireri sen mbolo dañ len di wax rijul manam moy mbolom bare ni gisen njireri niñ man njireri han criqué wala criqué nga xamné ñu bare lañu doon nonu le gars ñi fessale sa sawara non tamit lañ len di non lañ len di jëlé duggal len biir sawara kon boba mu daali am maana bobu lol tam benen maana la ala kulli halin ak lu muñti xew dañuy wax ne dafa am borom subhanahu wa ta'ala lu muy tuddé rijul wala qadam lo xamantene manam bu fekkentene mënef nako tuddé baat bi nonu manam mënef nako tuddé kon ndëggu tank wala tank mais tektelewul comme ñun liñuy wax mais bam dess que ni ci alamul khayal dañu xamne ta jalli la feñu way la bu tuddu non feñu way la bu borom subhanahu wa ta'ala di feño sawara feñu way bob mom moy lan moy waral sawara fess niko baxna lenn li daal di lemu ci kaw lenen li ci dess lo fat xam nga sawara non la tamit sawara non la lenn li day lemu ci kaw lenen li ci dess lool mom motax sawara daal ni comme li yenti wax sa mona ta shakatin nar ila rabbiha faqalat akala ba'dhi manam safara dafa jambat ci yalla boromam subhanahu wa ta'ala daniko yalla man day len ci man dafa lek mi ngi lek lenen li ci man mu dafa ja'ala lahu nafasani nafasun fi shita wa nafasun fi sayf yalla defal ko ñaari note souful ben souful bi ci hiver bi lay am ben souful bi ci été bi lay am motax yenen tou sallallahu alayhi wasallam tek ci ne motax li gëna tang li ñuy gis moy ci été waye li gëna sedd li ñuy gis moy ci hiver lool mom motax motax mu wax ci benen hadith mu ne izastadatil har fa akhiru adh-dhuhra fa inna shiddatal har min fayh jahannam hadith la tam bu nek ci ñaari sahih yentibi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekenteene tang dafa tang bu len julli tisbar comme heure bi ngeen ko dan julli bu tangé da ngeen koy yexé ba kër bi sedd tout mu ne parce que tarou tangor bi ci nokki jahannam gogu la bok la jugge kon gis nga donc lolu vi réalité la manam tangoru amna tuma don deg tan yele muy wax ci hadith yoyu waye nim ko waxe da wax lu ko neex rek ci walu voilà japp na limi wax ay parole de sagesse la yaa li yalla xam doyna yalla na yalla sam legui kon wa annahu borom subhanahu wa ta'ala bok na ci li nga xamna ta'ala adikay di khabar nak moy yakunu da nek sami'ul abdi moy deg jambi wa basaru ak gisam wa yadahu ak loxom wa qadamahu ak ndegu tankam rotam yalla khabar nañu ko neena mom day nek degulan jambi day nek gisam day nek loxom day nek tankam ndegu tankam lolou ci comme note bar page mi nga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxna ne man aada li man kep ko xamne aada nono na li ñeel ma wal yeen wal li faqad deug adantuhu tekkuna ko bil harbi ci xare manam wala muy peure nako tekkuna ko xare wa ma taqarraba du sako di ma jegeñ ilay di sako di jegeñu ilay ci jëm ci man abdi sama jambi sey ci dara ahabba bu gëna sopp ilay ci man mimma ci li nga xamne iftaratu faratal nako alayhi ci mom jambi lim gëna li yalla gëna sopp ci mom moy lim faratal ci mom bo jul bo fanano di julli yalla limu don liko don gënal moy sa julli jurom yi nga julli kon nim ko wara julle ci waxtu nga ak ponk yi nga ak laaf gi ak mam la ca war yef nga def ko lool moko gënal ngay bayyi ba ngon nga dajale lepp après nga faname julli loolu mom gënal ko liko gënal moy nga def li wala motax lu farata rek na farata rek wala amna kuñ doon kuñ doon waxtane benn bëss ci nitu yalla yi nga xamne yalla dala manam xam nga nitu yalla yi en fait amna ci nitu yalla yo xamne yiime moy nitu yalla yu mag tam sax duñ leen xam mom lañ doon wax benn jour yaaka na sa keur lu won ndax benn way bo xamne benn nitu yalla bu mag bok même sax wa manam bok wa ahlu diwana yep mais xamul won nit koku wa ya wala yow ya wa kay wa kay ya nga fo mais mom bok na manam mom jagle yi ko cheikh manam yiko yalla defal bok na ci par exemple cheikh na tidiane rabi allah ta'ala da fay manam moko yar dal cheikh tidiane ko yar allah rabi allah cheikh tidiane rabi allah ta'ala moko jangal limu xam mokoy su même bu waré teud sax cheikh tidiane radhiyallahu anhu mo nan ko légui teudal bu waré djog nako légui djogal djog jotna muy waxtan ak nit ki mom mo nan ko tontu ko nangam wala bok bul ko tontu wala manam dal moindre chose am légui cheikh tidiane radhiyallahu anhu mokoy def mais mom ci limu wax ci né mu ne gis nga affaire yu beuri yu compliqué yep man duma ci def ben sama julli dal la fonk par contre julli mom dama koy def namu waré sama wird bu may wird bu normal lay def djel tok concentré wu wird namako wara def wazifa bu set wetch hadara juma dum ko tag yi dal moy sama affaire parce que moy l'essentiel bi en fait ñun dañuy tarder suñu bop ci yo xamné en fait du essentiel bi moy d'abord li yalla faratal ci ñun yalla dafa ni amul dara lu nit di bëgg di mako jaamo di mako jégeñé ludul lima faratal ci mom d'abord mu matal wala lima la liñu wala legui lima la faratal nak soko matale leneen lo def rek ndol lent la ci yow ngeenel la ci yow mais lima faratal ci yow d'abord matal ko julil ma samay julli jurom te nga defé mi muko bëgge pa yow ni ngi ko bëgge woral ma sama wéru koor nga defé ko man ni muko bëgge pa yow ni ngi ko bëgge wala ni nga gis nit ñi diko defé azaka bu joté nga gennel mako ni mako bëgge man pa yow ni ngi ko bëgge bu aljuma ka joté nga demal ma makka ni mako bëgge man pa yow ni ngi ko bëgge wala ni nga gisé nit ñi diko doxale voilà lool soko matalé budé da nga ya né ah man nak légui bëgg na sax ndolent damay dem jël tariqa cheikh la won wala benen tariqa sax ha bu mëna do na té bu mëna ko dé ya ko tek sa bop waw ba paré ngaddu nga ko ngar da djoko ba japp né légui farata la ci yow waw légui kon am nga ci ñetti impératif am nga wirdu am nga wazifa am nga hadra ñu tuddé len lazim ñet yi ñom lañuy wax lazim wala lazim du woné damay lazim comme ni né damay wird lañuy bëgg wax né damay lazim alors que lazim lazim moy ñetti ñoo tuddu lazim wird la tuddu wazifa la tuddu motax nit ki lay lek sax bu wax yow doko bëgg wax né ko non mais en fait lolu wird la tuddu manam mais dang koy baye té comprendre né wird la bëgg wax bu nan la damay lazim wala nga xamné wird la bëgg wax rek nga baye ko non wala simul wird kadal wazifa wa dhikru asr jum'ati natifa lolu moy lazim moy ñett yoy légi comme yow ya ko ngar radio légi moy ñett yoy la dang koy def mais nak dang koy def ni ñu lako diglé pa yow ni ngi ko bëggé won ni gisé nit ñi diko def voilà nga jël ko nga respecté ko soko respecté mom lune xagne ci lune man nga ko am lo amul rek dugal ko ci cadre li wolof nan lu jot yom da jotugo mais lune man nga ko am waye dal liñu faratal ci yom nga def ko matal ko yalla lol la bëgg ci yow mais agent municipal bi tay buñ ne ko won raxasal ngedd mi kesse nga wacc mom mu ñew wër dëkk bi yëpp raxas lepp ba mu def ngedd mi mo togn voilà mo togn waaw wala wër dé nga wara fay sa loyer dem fayal ñëpp seen loyer bayyi sa boss ya togn voilà wa dekk wi yep nga dem wa yow connect loyer bayyi sa boss mais ya togn amul nan lima joxe upp na lolo yoyu dedet motax lepp da wara teggu d'abord ci niko yalla bëgge pa yow ni ngi ko kon yalla lolou lay ndiek lolou la ndiek mune amul dara luma gënal ci sama jaam yi lolou lol te lolou mom moy maqama moy ndiek joxe wilaya motax bo xolé hadith bi da tambalé ci ne kuma nonol sama waliyu tekkuna ko xare ba pare da ci tek ne nit ki amul lum may sako jégen lu gëna sama jaam bi amul lum may sako jégen lu gëna fort ke li nga xamantene mom moy lima faratal ci mom parce que li yalla faratal ci yow en fait c'est parce que yalla dafa jaamu yalla yi dafa leena beug mais dafa am jaamu yalla yi dafa am ordre beug gi manam dafa am nu gëna fort amna yo xamne yoy la gëna beug ke yenen yi mu gëna beug nak bayyi wu la nga am ci choix daf ni la defal mako mu faratal ko ci yow parce que yoy moy yi mu gëna beug xéetu jaamu yalla yépp faratay la ci gëna beug lool mo motax ñuy gis par exemple yenn nafile yi wala yenn jëf yi nga xamantene jëfu du farata nga gis ñu nan ku def nangam yalla dana la ci fay nangam wala dana la ci yokal nangam nga gis ko ci hadith mais par exemple ay julli juroom ay yoy da ngay gis duñ ci wax dara ci yu mel non lutax parce que lolu fayam eppenti nak ñukoy tuddu ñu gëna fort encore amul benn jëf tiyaba bu ñuy dig bu gëna jégué bu jégué julli juroom par exemple comme le yent bi waxo sallallahu salam i'malu wala tahsab wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah julli len te xamne mono len manam djuf len te xamne mono len pek djuf yu bax yeb parce que tout simplement c'est temps dafa limité espace bi tam dafa limité au moment où temps bi may dund dafa limité espace bi may meuna defé affaire dafa limité sama capacité personnelle aussi dañu limité donc djuf yu bax yeb monou ko def lool mom yakarna c'est une évidence mais nak néna li gën ci li ngeen di def moy julli li gën ci li ngeen di def yépp moy julli kon mo upp doole lepp voilà manam li yalla faratal na julli mom mo upp doole azaka par exemple motax ñukoy jital tout temps te ba mo gëna fréquent ci liñ koy tudd mais li farata dal lepp mo gën lu du farata kon nak jëf leen kon yalla bëgg gi mu bëgg yoy motax mu faratal ko té amna benen particularité budé julli particulièrement moy né yenen jaamu yalla yépp dafa périodique ci yenen mbir bamu dess julli mom ci jour bi yalla da ko bëgg go xamné dafa jiggi dayo ba nga xamantene du la baye sax nga diko def ben yon par jour kessé non def ci jurum par jour fukki rakkat jurum ñaar wa dama bëgg mu bari parce que dama ko bëgg wa mu lu yom ci ben way wala ñaar dédé def ci jurum wa ci moment yi nga xamné dañuy crucial voilà fajar gi xarna ray kemanu yalla xewna way julil way nga julli nga jog julli acca jant bi dem na ba tak ci diggu ñol lor gi di kuma di jeng mu ne la way julli watal way nga julli hein mu bala jant be so mu ne way te ga defat benen nga defat benen jant bi so mu momu duggal guddi ci beccik duggal beccik ci guddi mu ne la way julli watal benen nga julli nga gis xonk xonk yi deg nga gis mu commencer lu meuna dem keuriss mu ne la julli watal benen nga julli waaw ci période yo xamanteni yi kiman la mu ne ne wax Allahu akbar ala wala Allahu akbar manam gis nga magal len yalla ngeen julli way ci période yi ni manam xew xew yu reuy bu amé ci journée bi way rek jog len ngeen dem ngeen jullil borom bi ndax yalla da ka bëgg mu faratal ko ci yeen ba bare bokku na ci particularité moy yenen jaamu yalla yep fi lañ ko wacce ci kaw suuf yenen tou sa sam dafa tok fi sayyidina jibril sallam ñu fekk ci ko jox ko mais julli reuy gi mu reuy taxna mu jël guddi gi nga xamne mom la jox teranga gi gëna reuy yent bi sallallahu alayhi wasallam te moy événement bi gëna mag ci dundu yent bi sallallahu alayhi wasallam moy lan moy isra wal mi'raj rañan gi guddi gogum mom moy événement bi gëna mag ci dundu yent bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko yobbu ko mu xotti mbollem asmani mbollem borom maqam yep mu xotti len rombu len ñu gis ni hey ki moñu raw yenent yep ayu salatu salam mu rombu len ñu xamni ki moñu raw malaaka yi ñep kenn ku ci nek fonk ko magal ko won ko nim gëdd jox ko gëddam ba nga xamantene mom kesse mok borom subhanahu wa ta'ala fa kana qab qawsayn aw adna mom ak borom bi subhanahu wa ta'ala manam ba maqama wahda ak wahda wahidi lay jund ak wahdatul mutlaq wa borom mom lay khab qawsayn aw adna manam luy tollo ñaari juñ wala lu ko gëna jégué encore tellement que dañu nekk ben mok borom subhanahu wa ta'ala dafa sey jex tak ci borom subhanahu wa ta'ala mu daat ko fay joxe jundi tellement moy jaamu yalla bi geuna mag yep ni geuna fort yep mu dox ko mu wacce ko na fonku fonkal len mako wala ah lol nak sa mbir mi non la demé bo jappé ni amna lenen lu ko geun da ngay nax sa bop quant a yenen ay ne khissa manam ay netali ay récit netali anecdote ay anecdote voilà yu ñu mëna wax ci lu jëm ci leneen lu mëna non ay diiw mësna def nangam ak diiw mësna jaar feewat ñom samba def nañ li yo ñom dembo mësna ñoo yoy yep moy yi nga xamantene mat ta baye xel amul ben bu ci mëna baye xel nak ben mat ci baye xel ben mat ci baye xel lool moy li ëpp solo lepp wa lool moy le upp solo lepp ah ñu nak lool fofu nak mom lañuy wax nak mom rawante bu gëna mak fofu la nek rawante bi gëna reuy fofu la nek lool mom motax manam waro imagine ni julli mëna jall ba robu te doko def nga nan ay damay xaar nangam damay ki no mais c'est que xam nga bon da ngay waru manam c'est à dire que yow en tant que julit yow la sam xel warta mëna supporter possibilité bobu légui nak woutal légui ben manam dang xam nga ablation lénen ablation manam moy dañuy dag dara manam da ngay dag mère bi manam neurone yi nga xamantene fa la xel momu di jaar manam fi nan possibilité wu julli def na borom te julli wuma manam neurone bi bi muy jaar dag ko boko dagge après di nga am solution wa moy nga japp ne rek man lo beug wax rek moy nga japp ne de toute façon manam question de vie et de mort manam possibilité wu julli dem ba rombu ba jall par exemple takusan dem ba jant bi soti julli wu ma tisbar julli wu ma takusan lolou mom dafa impossible da impossible nga dag ko ci sa bop bi dag ko manam jappal ne man ta ne legui yalla indi la solution legui nga xam solution bi mais nak fi ya gi japp ne man na ne do am solution voilà manam wala bok possibilité mën na am nga baña am solution mais bo jappé ni question bi question vie mi ngi melni tay ñu xagn la nga noy manam ku buñ la xagne nga noy manam possibilité wu ma tok duma noy manam ni ngi ko genné ci sa imagination non nga koy genné sa imagination tamit manam possibilité wu julli dem ba robbu te julli wulo question de vie et de mort la manam manam dié moko gën xam nga dié moko gën voilà légui nga xam noy def lolou mom jarul sax kenn ku ci nek ñu nan ko non mais c'est que xolal nangam situation bi ni dank dedet lolou jarul ko kenn ku ci nek bu xolé lolou ak dina xam ni mi def voilà stratagème bo meuna jaar nak nga jaar waye da nga do nga julli ñu sama bu nekk par exemple da ngay liggéey def ko fofu dagana par exemple nga wut lay man da bañu wax deug pour julli man dal luma la meuna wax moy xolal noy def nga julli nga julli pour teunk dal voilà Hein? Voilà. Wow. Dama don laaj Seigne Moustapha. Maneko su nekk par exemple da nga nekk ci liguey. Est-ce que tagan na par exemple nga wut lay comme par exemple baña wax deug wut ben excuse bo xamné da nga leer li du deug juste rek pour julli. Comment est-ce que question? Man maniko. Li ma la meuna wax dal? Moy fexel bu julli. Voilà, saskal fexé dang ko am. Voilà. Deng. Borom bi neena wa ma yasalu li nga gannaaw farata yi jall na. neena wala ma yasal du deñ abdi sama jam ya taqarrabu di sa ko jegeñ ilay dem ci man bin nawafil ci naf gis nga buma gisse nit ku dul ku raté surtout taxan manam man sama bop damay perturber mo gisse mu nan ma julli guma taxosan jant ba nga waja so manam sama man day melni man la sama bop no kay day melni kuy waja dof kay si waji ne lu julli lu ko ci tit waaw Ya, non parce que dafa graw en fait. C'est que dafa dangereux quoi, dafa graw graw. Non mais il faut nous comprendre, xam nga question yi ni. Question yi ni. Non. Dédé dañ koy poser, dañ ko wara poser. dañ ko wara poser parce que buñ ko dul poser duñ ko xam mais dama bëgg mu leer une bonne fois pour tout ñu xam né li la après doot ñu ko lagati parce que xam nañ ko ah Mais dal bëgg na mu leer une bonne fois pour tout do ñu ci waxati xam nga borom bi dafa ni borom bi dañi hafizu ala salawat wa salatu al-wusta bu ñu nur nekkon yegg la wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana samonté len ak julli surtout julli gu digg doomu ki la prière médiane te moy takusa mom la ko li upp ci borom xoy firi subhanallah te na ngeen taxaw womatu tong ci borom subhanahu wa ta'ala tem bu len ko teggi su fekente ne da ngeena nek ci situation d'insécurité wa in khiftum so len ragale manam bomba ngi tak xexa ngi am guerre ci ñen ne ngeen yor jaasi ngeen def li borom xam xam yi rahmoullahu tuddé salatul musa ya fa moy julit dorenté jaasi moy lan moy période bi xex dafa am julli jotna ma xol période julli bi nimuy joté ba nimuy génné est ce que dina am xex bi amna benn moment bo xamanteni xex bi dana arrêté wala dana wañé ko ma meuna jël sama ta dem julli ji delu suwat continuer xex bi waaw wala det su dé man na né ma dem def lolu su munul né farijala bo len dé dox bi julli ngeen ko ngeen koy def ci bir xex bi aw rukbanan wala ngeen war di julli war fas yi geulem yi di doranté jaasi di julli en même temps c'est comme moment bobu lañ ni la faaw da ngay julli dama question bi moy ana benen ban moment lañ lay may na la bul julli manam han han may da na da voilà kon situation bi leer na legui motax en fait julli comme le alcorane wax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli farakala bu yalla tek ci kaw julit ñu lesu losu julit ñi way gem ni mu nek farata bo xamne dañ ko wutal ay waxtu yu precise donc du lo xamantene da nga nan comme li gaay yi di wax lolu tontu mo baxul han bi gaay yi di wax di baxul moy ne ki wol après bo demé sa keur nga fay sey julli lolu baxul de lolu do baxul de du alcorane du sunna du wax borom xom xom bi do ko fekk ci bentir ben am ben tire boy jang fekk fa mën nga dajale julli so paré bo démé sa keur nga fay ko lolu am ben tire amul voilà lolu da waral leer parce que bu doon amna fenn fuñ koy permettre ci situation bi ma la wax légui lañ koy permettre même ki nga xamantene médecin la bi di dugg bloc opératoire wara opérer mu leer ko ni midi lay dugg midi 20 wala midi 25 ci la tisbar di jot buy genn 18h day jot te fekk na bala 18h timis dugg koku sax mayuñu ko mu baña julli koku sax mayuñu ko te sauver vie ci la ne mais même budi julli ci di wax limu wara wax di def opération mi def di tare wutu limu Allahu Akbar man nako wax mu wax ko fatiha bi lim dul man moy ay rukwa ci sujud lolou la dul man ak peut-être que djublu qibla obligatoirement lolou duko man dakoy teggé lolou dakoy da teggé mu continuer def lolou mais abadan abadan moy nga nan Allahu Akbar tari fatiha nek ci sa affaire nek continuer han Allahu Akbar manam nga melni kon ko sujud nga wax Allahu Akbar wax yi ñu wara wax ci sujud sami Allahu liman hamida et cetera parce que mono li nga manul lolou lañ lay teggul mais li nga man kenn du lako tegg ndax lan alquran na fattaqullaha mastata'tum ragal len yalla lolou lañ man te ragal yalla moy lan def limu digle baye limu tere comme kan ak def limu digle nak baye limu tere limu digle mom moy legui li nga ci man ci limu la digal kay dang koy def baye li nga manul mais li nga man mom dang koy def même ci même façon bobu bok na ci comme par exemple kuñu daqé kuñu di daqé comme noni di la daqé nga nek ci course mu leena course bi da fay jël ay wala ñuy ñu wara daqé wara japp ko xamantene danger public la ngeen diko poursuivre pendant des heures même situation bobu da ngay julli même situation bobu bu waxtu wi de genn da ngay julli manam ci gattal amul ben moment ben fuñu la maye nga baña julli lolu amul legui amna ben possibilité bu am ci bir moy luñuy wax salatul jam manam dajala julli gi nga xamne dañ ko dajala al jam dajale gogou dafa am jam'u taqdim ak jam'u ta'khir ak jam'u suri ñet yi yeb duñ bel jam'u suri moy lan bobu bu mané nek mo gën jam'u suri moy damay dajalé mais c'est juste sous la forme en réalité dajalé wuma manam moy damay bayyi par exemple tisbar be takusan ma xamné takusan bi mi ngi ci 14h49 hein ma bayyi ba 14h45 ma kabar julli sama tisbar 14 wala 14h44 14h48 parena tisbar assalamu alaykum mu jog julli sama takusan 14h49 en fait dulina tisbar waxto julli takusan waxto mais bolé bobu nonou lolou ñu tuddé al jam' as-suri manam dajalé bima dajalé c'est juste sous la forme mu am lu ñu tuddé jam' taqdim ak jam' ta'khir jam' ta'khir su mu néné mo gën jam' taqdim jam' ta'khir moy lan moy dajalé bo xamanténi dama yéxé julli bu ñëkk bi c'est-à-dire ci cadre figure bima tuddu légui ma xam ma bayyi ba 14h49 wessu ci digëntém ak par exemple 17h04 ma xamné 17h04 ci le timis di jox ma julli sama 14h ma julli manam ci moment bobu en tout cas bala 17h04 di jox ma julli sama tisbar ak sama takusan ci période bobu lol nak ci été bi ci li gëna yombé parce que été bi heure bi di yaatu manam bala 21h30 fek julli na sama tisbar ak sama takusan c'est à dire que ce qui fait que kon bu fekante ne 18h lay wacc lolou jamais mo indi mo problème ci bir été bi voilà lolou moy jam'u ta'khir mo gën jam'u taqdim jam'u taqdim moy lan jam'u taqdim moy digënté midi bobu midi 25 bi mo wax sank ak 14h49 man xamna ni comme timis bi 17h04 la bala 17h04 kon suma xese ba commencer limay ni ci luma ne ni duma meuna dag affaire bi dem legui bu midi 25 joté damay julli tisbar jog julli takusan doga dem su fekkante ne sama pause mi ngi ci digënté midi ak 1h wala midi wala 1h ak 13h ak 14h mo profito fo julli sama tisbar ak sama takusan ndax xamna ni duma am possibilité wu julli ko après mais lol dafa am condition moy mu leer mané duma ko man du tout mu leer mané duma ko man du tout wala bok ma am ndot ndortu gu not ci ne duma ko man du tout ndax ghalabatu zann kal ha muhaqqaqa lol la qaida bi wax qaida bi dane ndortu gu not règle bi moy règle usul bi dane ndortu gu not mok li wour te mu leer ne ne lola la ñoyam voilà est ce que li mo wax leer na ok lu koy woné hadithu ibn abbas radiyallahu anhu bimu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam julli na djuroom ñetti rakka dafa boole tisbar ak takusa julli na djuroom ñaari rakka salla samaniyata az-zuhra wal asr wa salla sab'an al-maghrib wal isha wa huwa fi bil madinati bila khawfin wala matar ci benen riwaya bila khawfin wala safar ci benen riwaya bila matar wala safar julli na fi gis fi la julle medina gi medina munawara ala sakina farsa sal julli na jurom ñetti rakka tisbar ak takusan mu boole len boole na timis ak ge muy jurom ñaari rakka fek boba da don da nekkon kufa di def ben khutba tak ki jot timis jot mu continuer khutba bi ñu nan ko as-salat as-salat as-salat as-salat julli julli julli julli timis jot na julli han timis jot na mi du julli timis timis Allah mu dal ne atu halli mu ne salat est ce man ngeen di jangal julli legi Allahu alayhi wasallam han no ibnu abbas ah radiyallahu ah fa de fa yenti bu ron yenti bi ken do wax dara wa ibnu abbas radiyallahu mo legi man ngeen di jangal julli alors que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam julli na di tisbar ak takusan bole len julli timis ak ge bole len te bobu du won situation d'insécurité moko waral du won taw moko waral taw bu for parce que taw bu for day wal ñu mëna bole lol ak sedd bu for day waral ñu bolé tisbar ak takusan waaw parce que bu ñam na bu fa sedd bu for ni day tax ba dañ nan gaay légui bo lu ñëwé ci jakka ji ñu julli tisbar ak takusan après mu jeex manam benn yoon rek lañu julli bu timis joté ñu julli timis après gé ngeen ñubbi wat do leen gennat ci sédday bob non mais moi je n'ai pas parlé de chez nous non non dégoli ma la wax lool kay ñu mi concerné moy kuy dem ci jakka ji non mais li la wax dé mo wax mo lolen lé mais lool la wax manam parce que ki nga xamantene mo nek ci biir kërëm koku sédday ak taw bi concerné wuko c'est taw ak taw bu for bi ak sédday bi kim concerné moy ki genn di dem di julli di ñëwaat koku lay wax pour la non non daf leen dank daf leen dank daf leen dank daf leen dank wa legi xaar ba mu yeggale hadithu après ñu tontu ci lool legi mu ne kon parce que après dina ñew ci tontu ci lool taw bu for kon ak grain yi wala sedday bu for day waral ñu boole julli tukki day waral ñu boole julli situation d'insécurité day waral ñuy boole julli yi yep dañuy waral ñuy boole julli wala yep day waral ñuy boole julli legui c'est comme imaginer legui taw bu for day waral moy boole julli té xam ngeen ni taw bu for parfois wala sédday bu for même boudé sédday bi day permettre may man bo do boole julli par exemple moins 5 degrés parce que non sédday bu for mom yakar na ni amul benn dëkk boy dem ñu né moins 5 degrés sédday bi four wala moins 10 amul fenn fu ñu dem té parfois par buñu xolé sédday bobu nonu té xam nga li wone né lool man na né dana ci ñew moy né li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam li ibn abbas radhiyallahu biñ ko laaje ma arada bi zalika mun arada bi zalika allah yuharrija ummata manam limu bëgg ci loolu mom moy buggul tek choono xetam motax yenenti sallallahu alayhi wasallam andak ne situation yi amul tawul kon tawul sedday bi fur ñaara bi tukki wul ñentel bi mi ngi ci lan manam situation de sécurité amul mais mu bolé len parce que lan parce que da fay won julit ñi ne len li mën na nek so len nek ci situation bu ko bo xamantene man daf ko jar lool mo motax mu def ko ibn abbas radhiyallahu anhu dafa am ben qaida bu ne arrawi adra bima rawa bi qaida usul yi wa qaida fiqhi muy règle bi dañ ki solo hadith mo gëna xam lamu solo lan la comme ibn abbas radhiyallahu anhu moko solo parce que lutax parce que kiko solo mom moy gëna xam moy xam circonstances xam lako waral xam et cetera kon mom bu ne li la ci ntibi djublu won sallallahu alayhi wasallam lolo la imam muslim rahimahullah bimi indi hadith bobu amna benen hadith bu mu tek juste ci kaw mu tuddé hadith bobu moy hadith mu'adh ibn jabal radhiyallahu anhu mu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam kérok bañu nek tabuk biñu dem tabuk daf dan biñu amé ben campement da dan tok ci campement bi deggul mu tisbar joté mu daldi genn ñu julli tisbar ak takusan mu duggat tok ba timis jot mu genn ñu julli timis ak ge mu duggat ñu nako waaw ma arada bi zalika mu ne arada an la yahrita ummata limu bëgg lan lay wax yettibi limu djublu ci lolu sa mu ne lim ci nam lim ci djublu moy bugul tek choono xetam manam kon lolu day walani possibilité bobu amna li tax may préciser nak né lolu possibilité bobu amna moy né li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañuy bañ lolu dañuy bañ surtout jamo taklim dañ koy bañ lutax ñu koy bañ parce que dañ nan xolal julli yentou sallallahu alayhi wasallam xol hadith sayyidina jibril alayhi salam manam bu hadith yi tuddé hadith imamati jibril sayyidina jibril alayhi salam bi yentou sallallahu alayhi wasallam ragnane ba ñew yentou sallallahu alayhi wasallam sayyidina jibril alayhi salam dafa ñew ci ñaari jour bu ne mu ñew ci ñaari waxtu yu wuté pour délimiter julli bu nek waxto dan li moy waxtu julli té julli comme dañ ko faratal ci waxtu lu nek ak waxto kon tisbar da waxto takusan amna waxto timis am waxto gi am waxtum yentibi sallallahu alaihi wasallam hadith yu bare daf ci jangale waxtu julli moy li waxtu tisbar li la waxtu takusan li la waxtu musli waxtu ge manam mu ci préciser bu fekkonté dañu dem ba mané di man di len bolé nonou manam yelenel manam lolu nga xamné dañ ko xam glob manam de manière claire sans équivoque day dal di dakk lolu mom motax lepp ci borom xam ni diko bañ rahmatullah alayhim té lolu moy li ëpp li ñi ubbé ci ñenti mazhab yépp lepp liñ ci ubbé moy lolu maintenant amna nak ci biir borom xam xam yi rahmatullah alayhim ba ci biir mazhabi ño xamantene d'accord nañ ci li ma leen wax sank moy bolé yoyu non té likoy wone moy hadith yi d'ailleurs ibn abbas radhiyallahu anhu bam ko waxé abdullah ibn shaqiq radhiyallahu rahimahullah ben tabi'i la bu mak ci bonkal tabi'i la bok neena wa haka zalika fi sadri lol nak dafa amone lu ben ñag bu mu defon ci sama xol dal man dal affaire bi mun ibn abbas nete li ni dal xawna ma non vraiment xawna ma intrigué quoi neena ma dem la ko abu hurayra radiyallahu anhu abu hurayra ne sadaqa ibn abbas waxna deug de yent bi def nako sallallahu alayhi wasallam manam kon lolu daf koy tek mo lolu daf koy tek ne motax borom xam yu amna mbolo ci borom xam rahmatullah ñuko nangu ku melni rabi'at ar-ra'i moy rabi'a ibn abi abdurrahman moy serigne imam malik rahimahullah ku melni ashab ben talib imam malik la ak ibn wahb abdullah ibn wahb rahimahullah mom tamit talib imam malik la nangu nako ku deme nek al-qaffal ash-shashi rahimahullah mom nangunako ku melna umar ibn abd al-aziz radiyallahu ta'ala mom tamit nangunako han ak ñeneen ci ay borom xam xam rahmatullah alayhi ñu rahmatullah al-qaffal ash-shashi mom ci hana hakki la bok fuqa shafi'i la bok rahmatullah alayhi manam kon amna ño xamantene ñom nangunañu lolu ci biir borom xam xam yi rahmatullah alayhi ak ñeneen wala kon lolu faaw ñu comprendre ko voilà légui comme que lolu man na né parce que tamit li lay wone man na né moy su fekkenté né dañuy qiyas né taw bu fort xam nga ni souvent du terrain nit ni di génn ci yenn dëkk yi nga xam né tout temps day taw du lan téré génn lolu yakana d'accord nañ ci d'ailleurs sax parfois buy taw sax ci liñu gëna sawar ci voilà hein ne di setan football ak lan ak seday bi day tax lan ni ñu koy mën di bol manam té manam gène bi nga xamantene voilà gène bi nga xamné mom la taw bi di waral mom la seday bi di waral mais gène bobu gène parfois gène bu ko gëna tu bu ko gëna reuy fouf la ligé bi di waral manam nga nek ci biir entreprise machine bi di daw wala yu mel non wala bok tout simplement nga am ay commande yo wara régler wala ak yenen ak yenen ak yenen nga wara jot ay coup de fil waroko waro raxé coup de fil ak yu mel non parfois yoy ñu gëna ko bi wala ngay dalale client yi client yi ñew ay par mais jeune bobu parfois mo gëna fort donk ci lañu xamé ni kon yoyu doy day mëna nek té loolu yëpp dafa bok ci nga xamantene par exemple amna yenn circonstances yo xamantene par exemple di fa ubbé masala bu ci lu melni par exemple da fay du depok hegma manam du depok li war mais day am circonstances yo xamné ak zone géographique yo xamné manam mëno ubbé loolul façon loolul ci loolul ni parce que nonu rek parce que ñaar possibilité de façon ngay am après soit ñu baña def lolu wala ñu baña julli manam té bu boba té comme possibilité bi amna té hadith yi ñu deugir yu wër yi sax deugul nañ ko lan lañ wax fofu hein toutes les prières sont passées. Le matin, elle fait souvent, c'est souvent pas tout le temps. Avant de partir le matin, elle fait tout le temps. Non. Je vais expliquer. Ah non, non. Avant de partir. Wow, mais c'est que le problème est moi. Bon, la vie. Non, mais même le matin de guerre, parce que là, c'est 21h30. Oui, non, c'est ce que je veux dire. Madame Guerre, Madame Moïse, elle est là. Après, d'une part, Timis et Guerre, d'autre part. C'est ce que je veux dire. Quel est le bonheur de Timis, de Takusan et Timis? Quel est le bonheur? Maintenant. Gé ak fajar kenn dou len bolé hein wa timis ak gé mais pa takusan ak timis wa après mais ni djul mais non mounoul né amul pause mounou ko wax non mais mounoul né amul pause non lolou mom man ko wax c'est que lolou né wax au compliqué parce que ñu bëré xamuñu ko quoi voilà lol la amuñu manam comme par exemple man suma ay 17h suma ay takusan ci yoon bi lamay damay fek suma liggey du coup suma damay genn ak ñap ci dir ci bisbu lay bisit ci bisbu suma tok ni ci gannaaw ko la julé quoi peut-être dina gérer du béré après mais damay julli rek légui nak amna ñu bëre ñoo xamné xam ñoo dañoo yaakaar mu nga dajala ki ba nga dajal ñu ñoo wala wala moy ñak xam lu lool lool mom ñak xam la il faut ñu xamné lool ñak xam la mais manam lool mom motax au début mané il faut que dès le départ mu am manam ner bi nga xamné fofu moy wax né numay def ba julé xeyna duma mëna julé ak yoy ner bob nga dag ko japp né faaw da nga wara julli après di nga am solution. Dans le bus, par exemple, l'heure de... En fait, si on prie dans le bus, Madame, par exemple, je ne sais pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Attends, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, l'heure de Timon, si par exemple, elle se trouve dans le bus, est-ce que c'est mieux de prier dans le bus? Ou c'est mieux d'attendre. Ouais, d'attendre, ouais. Non, vous êtes timide. Non, il quoi. Voilà. Non, non, mais même non, Taksan, non, d'ailleurs, moi, ça. Parce que, what to be, en fait, you, they dire what you know, what to timide, en fait, en vérité. Gâteau comme Nico Gaï, dit, ouais. Xam nga gay dañ japp ne waxtu timis mom moy ligi ni la su doon non la gatte su fekkonté non la gatte kon yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam du tari suratul a'raf ci bir du timis par exemple te julli na timis tari suratul a'raf du tari suratul waturi julli na timis te tari suratul waturi du julli du par exemple ba pare yent bi ci bopom moko wax sallallahu alayhi wasallam hadith mu ngi ci muwatta sa mu sahih imam muslim rahimahullah mune julli timis mune mi ngi dem ba maghriba shafaq ba maghriba shafaq imam malik ci bopom rahimahullah bo deme ci muwatta li ma la wax dang ko fek dafa ni julli timis moy bu jant bi duggé buñ deme ba maghriba shafaq moy xonk yi den genn nga ci timis legi ya nga dugg ci ge mom mi ngi ci muwatta bi nga xamantene mom lañ yox et cetera kon manam timis gatti wut nonu et que lolu tout dépend ci zone géographique mais mën na yaatu trop et parfois day yaatu lol d'ailleurs lolu mom moy raisonnable aussi li tax parce que lan motax gé timis ki suba munoko bolé ben julli moy amul ben julli bu mbokal daruri amul ben waxtu bu mbokal daruri ba paré muxtaram ak muxtaru yeneeni tamit dajalo wuñ alul ka tay bo xolé timis bo xolé tisbar ak takusan fi muxtaru takusan jexé tisbar jexé fofu la muxtaru takusan tambalé lolo tax ñu man leena bolé motax beul ci dess di tuddu jamna souri timis ak ge bo gisee ñu mën leen boole moy ne muxtaru tak timis mok muxtaru ge ñoo bokk parce que manam fi muxtaru timis di jexé fa la muxtaru ge di jex di tambalé sinon su dul won lool duñ leen mën di boole parce que timis bi dafa nek lele ge bi nek nené duñ leen mëna boole té loolu fuqaha maliki rahmatullah alayhim am nañ ci wuté seen bir manam d'ailleurs munuñu ne te kenn ku ci nek day wax ne li moy majorité li la majorité bi wax lool mom motax munuñu leena takale fofu manam munuñu taxaw ne fuqaha maliki rahmatullah comme ñom niñu waxe ne bo démé comme par exemple bo xolé ay hafiz ibn abdul bar rahmatullah ak ñu melni ñu melni ñom dañ na muxtaru timis mi ngi yam ci juste timis bi nonu manam ben waxtu rek la ben point bu defini la moy bu jant bi duggé fofu la timis tambalé fa la yam manam moy temps wam lan la moy temps bi ngay mëna wadjal japp julli jeexna han sol se yoré wala moy wadjal bek yoy après julli jeexna loolu moy waxtaru timis mais bo xolé ñom ay al imam ibn al arabi rahimahullah ak ñeneen maam ci bir fuqaha maliki rahmatullah alayhim day gis ne ñom dañ deureul waxtu bi gëna dem ci lool mais li gëna graw comme li al khattab wax rahimahullah ci mawahibul jalil dafa ne li gëna li ko yaaxal moy kenn ku ci nek ñom al imam ibn al arabi daf koy rahmatullah manam ku wax rek da nan li mom moy majorité mazhab bi li moy majorité alors que problème bi moy mëno leen téxalé parce que ay référence la ñoom ñëpp kenn ku ci nekk néna li moy majorité alors que majorité mazhab bi kon mënu ñu ko définir à part de fof mais buñu xolé li gëna wër wal asah comme li al imam an-nawawi wax ak ñoo xattab rahmatullahi ñoo li gëna wër moy li nga xamantene mom mo gëna deppok hadith te mom moy comme hadith jabir ibn abdullah bi radiyallahu ta'ala et cetera ak ibn abbas radiyallahu anhu nga xamantene bobu yent bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam mo ne timis mi ngi tambalé bu jant bi duggé mi ngi yam ci bu xonku xonki deñé te fofu la julli gi tambalé te lolu moy waxu imam malik ibn anas imam malik imam bi ci bopam rahimahullah ci mu watta voilà kon lolou mo mo gëna wër fuqa shafi'i rahmatullahi alayhi wa sallam shafi'i radhiyallahu anhu ak fuqaha bi manam ñom li gëna li gëna dëgeural gën ko notal ci sun mazhab moy ne moy ne timis ben waxtu kessel wala mais sino gënna yaatu lool comme niñ ko léralé légui ñu wal walilahi alhamdulillahi wallahu a'lam wala légui yow sa laaj bi moy né ñiap li ñiap gi avant de les sous sur ma chérie une question oui est-ce qu'on a le droit de se dire que par exemple pour rassembler les prières de dire bon bah on attend une heure après ta personne parce qu'on va mieux se concentrer. Wow, wow. Exemple, si on rassemble, si se barrer ta personne après l'heure de ta personne, pour qu'on rentre chez soi, du coup on sera mieux concentré que si on le fait rapidement au boulot par exemple. Oui. C'est valable pour dire je rassemble. Non, pas dans ce cas. Non, cas, moi, non. Tant que su fekkante ne meuna julli tisbar fi may liggey meuna fa julli tisbar damay julli tisbar mais on peut le prier mais dans des conditions même tu penses au patron qu'il te surprenne wa wa moy concentration bi day wagne wa et puis même dans des conditions wa wa mais même nga julli ko mo gën nga julli ko ci waxtu bob mo gën te mo ragne ko waxtu nga julli ko fofu mo ragne ko c'est plus adéquat, plus à même d'être fait. Si par exemple on est en réunion, c'est mieux de dire bon, ben, je dois sortir pour aller aux toilettes, aller prier, attendre après. Ou... Oui. Mieux de clé. Là, il cherche la réunion finie. Là, il est libre. Mais ça, c'est dans le cas où. Là? Ouais. Non, mais attention, l'autre là, l'un des il faut que mon l'air. Non, il faut que je l'air. Moi, bon, les billets, je me connais. Moi, il faut que raison bi soit clairement établie et que ni effectivement manoumoko mu leer ne manoumoko wala sumoko defé problème bu reuy lamay indil mais tay par exemple su fekkante ne man nako ay lay yu demé nek ay damay bañ kouma giss ak ay min ki damay rouss ak ay yoy dotul nekati lay non dotul nekati lay ay damay rouss ak ay nit ñi diñ ma rombak wa mais problème bi moy nit ki su fekkante ni amna possibilité genn ci moment bobu dem julli ji ñewat da koy def même bu réunion bi jexul manam même bu ko fekke ci bir réunion bi da bu ko mené da koy wara def mais parce que en fait c'est comme si bu bëggona dem ci wan ak wi rek Non, mais manam yow mais amna ben affaire bo xamne boko defé di nga xam ni ngay julé sincèrement non moy bo defé li mala wax sank moy sidit bi nga xamé tane fa ñak julli di mëna né bobu boko daggé non loolu la lay wax ni manam non damay tontul ñi ngay waxal voilà manam comme yow yaay boawu légui man dama len di tontul aussi par rapport ak le fait que nga nek sen porte parole voilà quand tu l'as expliqué tout à l'heure en fait il faut être clair je pense sur les conditions parce que quand tu dis c'est si je peux pas comme là, je peux pas c'est relatif c'est subjectif en fait voilà. Donc, je ne peux pas, c'est subjectif. Ouais, mais là, elle est. Tu peux avoir les mêmes personnes, deux personnes qui travaillent dans la même entreprise, il y en a une qui va dire ah, moi, je ne peux pas prier parce que si je prie et qu'on me voit, on va me dire que c'est une démonstration de son religion. Et pour ça, c'est un abus dans la charte de l'entreprise. Et l'autre, tu vas le faire dans la charte. Ouais, mais, yo, que le. Les quais, n'amour, bref, comme mon oncle, quelqu'un qui l'a. Voilà, non, mais la loi, même si j'ai beaucoup de discours, après, je me dis que c'est subjectif. Parce que le je peux pas, il est subjectif. Non. Il y a des choses, c'est clair que je ne peux pas. Il y a d'autres choses, c'est clair que je peux. Mm-hmm. Maintenant, et entre les deux, il y a un peu fossé. Entre je ne peux pas et je peux. Il n'y a pas une ligne qui est trop. Parce que amna yo xam tane man na ko te dama ko def moy genn dem def ko ñewat tok continuer limay def mais c'est vrai que parfois ay situation d'urgence ñoy nek ñoy am yo xam tane mais duma ko man te lolu am nañ yoy lay wax moy bu mu meunul ba manuma lolu mo motax yenen amna lay yenen yi ci dess yep duñu ay lay amna yu bari duñu ay lay. Maintenant, si vous faites effectivement, il y a une circonstance pour comprendre. Comprendre un examen. Hein? Parce que parfois, dans l'intérêt. Non, mais examen pas national. Non, d'accord. Mais après tu vas pas prier dans les toilettes aussi parce que c'est pas. Ouais, mais sincèrement, un grand bâtiment, pauvre du lait de la jarre. Attends, est-ce qu'un grand du lait? Parce que comme fait du lait, on doit dire quand même un grand ou non? Waaw donc dama ngi ganti kon voilà ganti mom bo demé ci tire yi ñu wax ni ñoy gatt moy nek yéfer jigen bi gis mbaxam wala muy gis gisinu wala ku dof wala ki nga xamantene dafa xëm te ximali jégul wala muy nelaw yu mu tayut bidënt voilà. Voilà. Non, liguey du ngat. Non, liguey du ngat. Lool mom il faut mu leer liguey du ngat. Parce que mais degouli mala wax sank. Expliquer le docteur bi opéré xom chirurgien bi opéré sa. Non, ma droit bi ci. Voilà. Parce que jann ça lool moy. Wa mais dedet ñu do lan te jassé nak. Hein? Fala yam problème ci ci. La yone ni mo problème ganté xala bu mag wa yi la a peu près wa après yoy la non si parce que ngant la manam bu koy téré meuna julli tay imagine tay bu féké tane dafa majeur ci digënté bi digënté wala tisbar jot na du majeur mais bi taku sandi jot fék nako mu majeur wala bi tax sante jot majeur na fofu day dal di bolé julli day tax day julli tisbar takusan lolou ci cadre bo mel non lañ ko tudé quoi comme len boudé gor taful wala xam rek amu nan tax je pense qu'il y a 3 ou 4 ans peut-être que ñi fi nekkor wala ñu bokkolo daayira mu nañ ko wax li problème la won ci ñu bari en fait ci ñu nekkor ci daayira yalla yalla fay ba leral nga ñuko après ku ci bëgg genn yalla dina dimbali man kaala ci bo ci bëgge genn deug deug deug japp na ni wax su dang ko wara julli yalla dalay dimbali bo fepp fo liggey sa première question moy fan lay julle te soko defé naka lay julle ak nan lay julle yalla dalay dimbali bo waxtu ni bu jotté wa Ibn Abbas Abdoulaye Ibn Abbas radhiyallahu anhu waji dafa ñew neko waji dafa ñew neko ah yo dafa parce que bi muy motax mu jug dundam dafa amone problème wu beut da doon metti mu am jaru katarak ak yu mel non médecin yoxot bi nako mën na la fat mais sous condition que da ngay teud ñetti fan yo xamne do juk man dina la fat mu ne numay def ak sama julli graw kon damay préférer sir maxa amul problème lool mo taxone musul maxa bi mujjé dundu graw mais sama julli dana ko def wala te mënonou mais non mais mom non julli dafa fort trop non duma ko bayyi pour lolu non lolu mom deug la mom manam boko defé obsession mom yalla da la ci dimbali mom fo dem dimbali non lolu mom réalité la mom boko defé obsession mom julli mom non c'est que julli manam c'est à dire il faut mu nek obsession ci nit ki manuko baña def c'est à dire que manam ñak ko def mok de ñoyam wala de ko gën wala de mo gën manam bo gën ñak julli de mo gën te bu de ci espace public bi wa comme taxaw bi bo dewe mëno li taxaw wa kabar julli mais man nga tok ci ben ban public julli wala wa mais taxaw attention mais taxaw julli bi sax mais téré wuñ ko wa c'est ça que j'allais dire parce que c'est ce que En fait, mais su fekkante ni mënu genn te waxtu bi day jàll mais tu peux dire j'arrête la réunion mais est-ce que am nga pouvoir de décision arrêter réunion bi aussi c'est ça est-ce que yow responsable nga ci réunion bi wala est-ce que membre nga bo xamné ni il faut que c'est obligatoirement il faut nga xol position nit ki tamit Ah, voilà. Voilà. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de dire, je sors de la réunion. Voilà, je sors, j'arrive. Je sors et je dois dire. Voilà, je vous rejoins. Waouh, lol mon nene. Mais lol mon nene, soudain, mon nene, quoi. Non, mais attendez, il y a aussi affaire. Et puis, elle a raison. Warouk compliqué, le bien est compliqué. Xam nga lan xolal moy def ba nga julli voilà legui après le reste moy su munu nek nga xamni munu nek bu boba amna yeneen possibilité mais fait tout pour mu meuna nek effectivement voilà créer les conditions voilà après dana am hein man tant que t'as le pouvoir de créer les conditions tu le fais voilà mais bon amou les pouvoirs comme ça comme nous l'avons nous tous ces caisses de jalo les clients voilà nous faut nous nous jouer nous nous désarmer nous nous abandonner nos dents nous pas faire pour oublier quand gagne voilà en plus parce que dany que pour caisse qui faut c'est vrai et en plus à chaque minute nous dénions bon nous d'ajala rek mo les nous permettre de faire parfois voilà mais bon avant que d'ajala quoi avant voilà après voilà impossible d'être dans la caisse fait que wa budé ñaari julli ñu mëna dajalé takusan mënu ko voilà Seigne Moussa ba lo tam de for rek sax ñu ko avance mënu ko avance la par exemple nek fay dam nek ko ci tukki par exemple on est d'accord si mën nga jullit ci soubara takusan waaw lo lay wax ñu takusan est-ce que li may wax leer na parce que dama bëgg muy leer non kon nak am lu ci cher wax di gagne faram ko lay na voilà kon ñu wëssi ko waaw waaw bismillah Assalamu alaikum. Chacun des prières, est-ce que vous faites vous parler dans le bien? Madame, il y a deux, trois ans à peu près, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de voilà. Mais, tu gâtes, madame, ce que je veux dire, c'est que le moment où tu es en train de faire 5 minutes, tu es en train de bu fekkenté na manoko nga bay togg do moda bi nga jang ko parce que temps bob mo gëna manam mo gëna yomb té ben yoon nga koy jang ci sa dund mu jeex doto ko jangati ben yoon kessé la nga koy xam doto ko jangati abadan ben yoon la boko xëssé ba xam wa doto ko lan jangati té lu am solo la da na ko fatali nak luma bu di ngeen gis ni matuk 5 minutes moy lan moy tisbar bi no tisbar lañu tambalé yentou sallallahu alayhi wasallam tisbar lañu diko julli hadisi buñu wax tisbar lañu ñëk wax tisbar lañu tambalé mi ngi tambali ci bu jant bi jenge ginnaw bu mu nekké ci diggu ndjolor diggu ndjolor moy le zénith hein mais amul heure dafa variable dafa variable mais ñu ngi koy xamé ci jant bi xam nga jant bi bu joggé dañ nan day joggé est dem ouest bu joggé est day doy di yek bu yegge ba ci digg bi day am 2 3 minutes yu mu taxaw di xaar après mu commencé wat continue dem ouest moment bi mu taxawé di xaar moment bobu kenn du ci julli même na fi le kenn du ko ci julli bu paré rek day dal di commencé jeng bu jengé nak di dem moment bobu la tisbar di jot donc boko bëggé xam ci say wax ci heure bi moy da ngay jël heure bi jant bi di jog bo xolé météo man na la ko wax lever du soleil ak coucher du soleil nga xaj ko ci digg bi nga yok ci 3 minutes tisbar fofu lay tambalé mais ligui d'ailleurs nagn ko waxé non parce que mo gëna moy damay wax benen ki bi wax benen manam buma jëlé comme tay nagn jël cas de figure bi nga xamantene lever du soleil bi ñaata la ban heure la 6h05 7h40 moy lever wa lever du soleil 7h49 wa moy lever coucher du soleil ñanta la 17h04 moy coucher du soleil légui kon tisbar mi ngi jot suma jëlé 7h49 ma jël 17h04 ma wañu ci 7h49 mu jox ma ñaata ha 8h hein 8h 12 minutes voilà da ngay wax ci kaw moy deg 8h 12 minutes yoy suma ko xajé ci digg bi ñaata lamay jox 4h 6 minutes 4h 6 minutes yoy suma ko yoké ci 7h49 mu jox ma ñaata 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h49 10h 9h15 ah soxna ci sa calcul voilà legui legui 9h ñaata 9h15 minutes suma ko digi divisé par 2 mu jox ma ñaata 4h35 voilà les 4h37 yoyu buma ko yoké ci 7h49 ñaata lay am ma jox midi quel par midi 20 quel par ah ma yok ci 3 minutes ma am ñaata midi 27 voilà lool moy heure tisbar heure tisbar ngo la Non mais, parce que soleil bi comme que parcours bi mi def genn wall bi ci lay dogal nekki ci digg bi benen wall gi ci lay tuddi ba legui benn partie bi mu ci lay yekiti ko ba ci digg bi heure bobu ci lay amé lan ci lay amé zénith bi té zénith bi il faut ma yok ci 3 minutes pour meuna am lan tisbar parce que 3 minutes yoy moy moment bi mi taxaw day taxaw pendant 3 minutes doko commencer continuer moment bi mi commencer continuer ci le tisbar bi di jot lay ko baxna ci bir lolou mo am ñaata ha voilà midi 27 wa midi 27 12h27 wa 12h27 kon lolou moy nek heure tisbar fofu lay tambalé heure takusan damay jël 12h27 bobu ma jël 17h04 ma wagné ma soustraire ko ma am ñaata 4h33 à peu près 4h33 4h33 yoy nak lay diviser par 2 2h16 à peu près légui 2h16 lay jël ma yok ko ci midi 27 ma am 14h44 lool moy heure takusan fofu lay tambalé fof la taxan di tambalé timis bi mom moy 17h04 moy heure coucher du soleil gué bi ha bobu dafa compliqué parce que gué bi formule bi dafa goudou en fait formule bu bari la bari ay tangente ak ay cosinus ak ay sinus mais pour mën ko teunk moy né moy damay prendre en compte liñu tuddé crépuscule. Xam nga astrologie buñu wax astronomie plutôt buñu wax crépuscule ak ñun buñ ko wax am ñun buñ né crépuscule moy timis alors que astronomie ñom dafa am ñetti crépuscule ba paré crépuscule bi day am non seulement ci coucher du soleil bi mais day am aussi ci lever du soleil bi do nga am na luñu tuddé crépuscule civil crépuscule nautique ak crépuscule astronomique crépuscule civil bi mom moy entre 0 ak 6 degrés crépuscule nautique bi moy 6 degrés ak 12 degrés crépuscule astronomique moy 12 degrés ak 13 degrés ak 18 degrés à 18 degrés précise ci la xonku yi nga xamantene bu jant bi duggé day bayyi trace yu xonku ci lañuy disparaître complètement kon ci lañuy xamé ni fofu la gée di tambalé moy bu fekkentene moy motax méthode de calcul bi bax moy méthode de calcul bi jëf calcul bi avec 18 degrés ci gébé fofu nak moy université karchi UEF nak fofu lañu djoumé lamentablement ndax ñom dañu jël en compte crépuscule nautique bi c'est-à-dire à 12 degrés lañu calculer mbir mi alors que à 12 degrés dina commencer lëndëm mais xonku yi duñu dañu gum té yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa niñu gé mi ngi tambalé kat bu xonk yi dañi fofu rek li lu muy moy problème bi da boko comprendre horaire prière lan moy problème niki nonu pour fajar gi dafa am crépuscule bi non la démé d'ailleurs ci crépuscule crépuscule astronomique bi ci fajar gi ci lañuy régler lampe yi ci mbéd bi motax ngay gis bu fekente ne da nga yix julli par rapport ak mam da nga julli comme surtout bu dé été bi nga julli ak 12 degrés c'est-à-dire moy heure bi nek ci calendrier yu bari yi ñuy di sédélé moy bu uyé yefi lool mom motax bu ngay gis da ngay dugg rek man yow boy dem di julli ji da ngay gis déjà ñu commencé wéx ñu commencé lèr voilà et que jot affaire bi fay nañ ko wala mu ñu koy waja fay lamp yi voilà manam parce que fajar gi mi ngi xaré li ñaan fajar gi day xar fajar gi xar nan lañ koy xamé wé yi xam nga samay beut bu may xol nan lay xamé né timis jot na bu may xol samay beut jant bi lan la duguna nan lay xamé ci samay beut né timis jot na ah timis non te ge la bëgg wax ge jot na bu ko ngi dëgg mais xon xon ki dëgg attention ak fajar gi xarna numu ko xamé né ha voilà moy à l'horizon fi jant bi di génné à l'horizon damay gis ci kaw wex tal ci souf ñu ko mom moy yatabay hatta yatabay lakum khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr moy yu wexi ak yu ñuuli manam wëñ gu wex ak wëñ gu ñuul gi dañuy takaliko dañuy leer bir manam moy lan moy fi day ñuul fi wex ci fajar gi lool bu mako amé à l'horizon moy fajar gi xarna mais lool mom ko beug xol ci suñu deuk européen yi da ngay joom lamentablement yow tamit amna kumay deg muy wax ne wala mo gis ko muy wax ne way don nako xol affaire bi heure bi nangam mais day joom lutax parce que pollution lumineuse bi am ci rew ci ville européenne yi mom motax muno ko xamé muno ci xam xonk yi de ñam à l'heure exact mëno ko ci xamé ndax pollution lumineuse bi lool pour nga xam ko da ngay dem ci dëkk ci all ba fo xamantene amul lampe nga xol ko boba bo ñewé né xol nako waxtu wi li la ñu né la wa lool mais tok bir lyon wala bir paris wala dëkk bu melni mom naan gis na ma ngi sentu xonk xonké ma ngi sentu fajar bi xar da ngay fo voilà sen téléphone yi bo len di doon mën di dimbali diko wañi ki wala ngeen diko dindi mo gën mo ñu gënal inshallah voilà légui kon lolu il faut ñu comprendre ko parce que pollution pourtant ñepp xam nañ pollution bi ñu démé voilà surtout pollution lumineuse légi kon xam wax na len limakoy xamé légui ben da la fatlikou né xeyna waxu gunu num koy xamé moy takusan avec le soleil non ah j'ai pas encore dit il y a pas de soleil hein non takusan do ko bouger là non mais dina am ay jour yu mu am soleil té comme waxtu duñu soré wanto dina mëna xam a peu près mais jour yu mu am soleil numa koy xamé han nan la koy xamé ni ma koy xamé moy il faut bi japp ko masala bi japp ko bayiko xel bu baakha parce que bi mo gëna compliquer touti zénith bi ma doon wax sank moy diggu ndjolor su jant bi commencé jeng damay gis au zénith déjà damay am takandel mais xam ngeen ni hiver bi ak été bi ak heure yi jour yi jant bi du jaar ci suñu digg bop bi jant bi du jaar ci suñu lan digg bop bi fu muy jaar parfois day jaar ci suñu droite parfois mu jaar suñu gauche wala ci suñu kanam wala suñu ginnam manam jant d'ailleurs bo xolé hiver bi été bi li tax journée bi di gudd moy jant bi day jugge est au lieu mu def ni ñew ouest du def non day jugge ni 8 def ni ni ni dogo dug donc journée bi motax muy gudd parce que bu jugé won ni def ni 12 heures de temps lay am c'est à dire que moment bi mi génn 6 heures lay génn 6 heures 0 minute dug 18 heures 0 minute après génnat 6 heures muy 12 heures de temps 12 heures de temps goudé ngey beccé ngey tolo jant bi sama digg bop dilay jaar mais au moment où hiver bi ak été bi du def non lélé day jaar ni lélé mu jaar ni c'est à dire ni lay def def ni c'est à dire que kon bu boba au lieu mu def ni yone bi mo gëna gatt ni mu génné fi day du gatté ni donc du jaar sama digg bop ci kaw lolou kon au zénith il faut que ma lay xamé kagn té lolou mënu mako xam luddul man may def ci yitté c'est à dire que man ma taxaw wala ma samp ben affaire diko surveiller ci ben bu jant bi day waja so parce que buma gissé bu jant bi day dogu djuk le soleil mi ngi djuk est fuit mi ngi djuk man damay xol sama takandeer ak takandeer objet yi taxaw yépp duñu guddou voilà lu jant bi digënd yiék takandeer yi guddou yi digënd gatt muy gënd yiék takandeer yi gënd gatt muy gënd yiék takandeer yi gënd gatt day am ben moment bo xamantene direction bi takandeer gi nekkon day jek jek changer tout manam au lieu manam bu defé dafa jaar ni au lieu manam day guddou di guddou di gatt bam yag mu jek jek commencer jaddi ni manam alors que bu don jaar sama digg bob bi day am ben moment man buma taxawé takandeer bi ci sama tank yi lay né mais comme que ni la def takandeer bi day guddou def ni manam comme fi la takandeer bi di nekké muy gën di def ni di def ni di def ni def ni mais day jek jek rek def ni manam nekké côté bé d'accord ñun voilà légui bu nekké côté bi ni takandeer bob moment bi mi changer il faut que ma xol takandeer bi numu tollu manam ban distance la am ci objet bu précise c'est à dire buma nexé ma tek bat suma nexé man ma taxawal sama bop suma nexé ma nat ko ci ben mur mais il faut que ma xam objet précise bi même objet bobu nan la takandeer bi toll mo meun ko nat ci lool baxna takandeer bobu au zénith nak jappal mako x la ko tuddé bu la nexé mo tuddé ko nena x wala mu tuddé ko numa neex mais bu mu ko tuddé wé x takandeer bobu tak légui lolu kon xamna ni takandeer bi changer na moment bi mu commencer changer basculer ci lay tuddé takandeer bobu ci lay koy naté légui su takusan nan la koy xamé takusan nima koy xamé moy suma jëlé takandeer bi su démé ba tolo ak moromam manam moy takandeer bi ak taxaway bi tolo nañu mais ma yok ci distance bobu x bi mais pratiquement x bi manam man suma def 1m75 man nat ko ci sama bop han takandeer bi bima ñëk am ma gis ne takandeer bi 20 cm la 20 cm la nan lay xamé ni takusan jonne moy su dé man dama taxaw ma gis né sama takandeer légui nek na 20 plus 1m75 20 cm plus 1m75 sama takandeer tollu na non légui takusan jonne bi sa mo gëna yow gëna han yow bu yé ah mo gëna yow est-ce que lima wax lerrna lerrna ça il a dit que le niveau de voyage pas bien compliqué c'est compliqué non mais c'est dur takandeer bi c'est au zénith takandeer x bi c'est au zénith mais sauf que c'est takandeer bu nekk au zénith il est quasi nul manam distance bi du bari lol la lay wax ni manila lolou nak tout dépend ci moment bi ma nek ci année bi su fekkentene moment la bo xamantene jant bi da fay jugge rek est jaar sama kaw digu bop dem ouest c'est-à-dire que jant bi day dug à 6h 0 minute dug à 18h 0 minute effectivement tak ndeer bi day nul au zénith day nul mais su fekente ne demi wut non au zénith du nul su demi wut non comme ni mu nekké ni au zénith du nul day am tak ndeer bi day am benen distance distance bop il faut prendre ko en compte pour mën ko calculer mais méthode de calcul bima len jox sank mo gëna gaw mom méthode la bu yomb yomb 17h nangam moy nangam divisé par nangam ah voilà c'est plus simple li dal boudé xam nga légui heure julli doto ko jangati ci giiru dund doto ko jangati boudé xam nga lima wax Allah ta'ala ala Avec une question, fait latch, mon effet, bon, heureusement je vais créer une petite brigade, mais pas la drogue. Mais vous n'êtes pas venu pour le créer, mon fallait du fader, mais n'a pas l'air. Mon du fader, c'est le coup. Ah, non, faire un bon duel. Non, man, mon mot, l'un de l'autre faire un bon duel. D'après, d'une autre moyen, d'une autre. Mon mot, l'un en fait. L'autre faire un bon duel. wa ben la fa fajar gi suba manam heureu fajar waxna lako legui moy heureu suba amul heure buñ nan heureu fajar ngi heureu suba ngi amul heureu fajar moy heureu suba wallahu ta'ala ana ki de day lati lazimi manam wernu bi kon ci fek ak hadratu juma bi ne est ce que dafa war jigen ba xamne legui bax dedet waru ci jigen bi gis baxam mais dañ ko tanlo suko nexe mu def suko nexe mu baña def té mu def ko amana moy li nga xamne mom moy li gën wallahu ta'ala alam bi ben tay né la fékénté ni day tukki da ñaar kumet dañ ko may mu ñu bolé julé voilà bo té tukki am nga à peu près buñu xol dañ nan 74 km à peu près manam 60 en 70 km 80 manam 74 km à peu près képp ko xamantene def nako manam ju tukki na ba digënté manam warna tukki lu digënté bob bu xëssé ba génn dëkk bi muy tukké mën na commencé wagné c'est-à-dire que tay buma don dem buma dem Saint-Étienne matut lolou yakarna kon boba duma wagné han ñaata la 70 wa non boudé lolou la kon mën na wagné parce que à peu près là wa boudé kon Saint-Étienne dina mëna wagné mais tay par exemple buma don dem 50 km par exemple buma don dem han Grenoble non si Grenoble mat nako ëpp nako voilà 50 km fallait vie voilà légui han 50 km 50 la vie. Auto aéroport. Non, aéroport rek non aéroport. Ouais, aéroport. Non mais aéroport tu cumo en fait. Non, aéroport tu cumo parce que mais par exemple tu en Villefranche. Parce que on est tout près là. Légui mo rona dem Villefranche. Duma wagné. Suma julli parce que matuko. Mais suma don dem Dijon. nga xamne ëpp nako bu boba buma bir lion fek ma ngi bir lion duma mëna wañé mais buma xëssé ba génn dëkk lion yi ak environnement manam dëkk bi dëkk tabax yi rek damay daal di commencé mëna wañé niki nonu par contre budé wirdu wi la amul distance budé wirdu wi la amul distance wallahu ta'ala ba tay mu ko te di la naka la mu ne wañi bolé naka la amna la mu résoudre Wa. Nombre de jours, mon moi 3 jours. Buma ci génné jour bima dou gissé ak jour bima génné. Manam mom moy tay suma don dem Dijon par exemple, ma dem par exemple lundi moy wala dimanche tay. Ma tok fa lundi, mardi, mercredi, ma wara delu ci jeudi, c'est-à-dire que dimanche la ñew la dougu Dijon. Dimanche la dougu Dijon. Lundi dimanche bi kon duma ko bolé ci décompte bi mais lundi mardi mercredi boudé jeudi la wara ñibbi ci ngone wala ci goudi dana mëna wañi ba bis bobu mais su fekkante né par exemple vendredi la wara ñibbi ci buma démé dimanche manam mu lèr mané vendredi la wara ñibbi ci duma wañi té duma bolé bi nak mi ngi mëna nek lan kañ mi ngi mëna nek suma comme moment bi mo mëna wagné rek moy suma xëssé ba génn dëkk yi dina mëna bolé tisbar ak takusan ak timis ak djé ci norme yoy ba kéro moy mëna déllu ci su fékénté né ma ngi ci bir jour nombre de jours wallahi ta'ala alam lool mom lér na yakar na di wañi bi soyti aje won nga yéné ko avant nga dé loolu fuqaha maliki rahmatullah alayhim lu wala bok lu bari ci ñom dañuy wax né bala ngay di dem dang ko wara yéné wala yu mel non mais haqiqatan lolu bo duggé ci cas genre cadre yoy da ngay indi complication yo xamné parce que bo xolé d'ailleurs mom motax da naka ñom rek ñoko wax ci ne fokk nga yéne ko bala ngay dem fokk nga ki parce que après ñom dañ ci tek parce que tout simplement ñom dañuy dawé la dafa am ben at-tahawut luñu at-tahawut wala ihtiyat dafa am solo ci ñom manam règle la ci ñom règle bu mag la ci ñom fuqaha o maliki rahmatullah alayhi lool mom motax ci yu bare bare ngay gis ñu doxal ihtiyat gogou non manam moy li samontek li gëna woor li samontek li gëna woor mais lool nonu sino buñu xolé haqiqatan dalil dañuy gis ne lool nonu yentibi sallallahu alayhi wasallam doon won wax gaay naan ah attention dañ damay wañi de waye dañuy wañi de waye nak sous condition ko ngeen yene won ko bala ngeen genn fi ngeen tukki au moment où mbir mi demé wut won non lool mom motax lool du ci condition du tout wallahu ta'ala a'lam. Dernière question, je vais vous dire, quand vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, rahmatullah alayhim, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, vous êtes manam guddi gi bu xaje bu digg bi ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci wax amma guddi amna yeneene manam fuqaha shafi rahmatullah alayhi ak mbolo fuqaha maliki rahmatullah dañ wax ne ciiru guddi gi la mais buñu xolé xatal xol hadith yi ñu lekkale la dañu gis ne hadith yi wax ci digg guddi gi non seulement ñoo mujju yeen salam loolu mujju jëfé bir madinatu munawwara ala sakir afdal salam te bu boba dañu gis ne loolu mo ngi gëna deugar wallahu ta'ala ala wa legui voilà bam ma yeggale d'abord li nga xamantene mom lay wax fini manam mom moy li moy par contre li nga xamantene mom moy li gën ci kuy julli goudi manam julli ci mom moy nga def ko un tiers manam bala tiers bi même bu fekke muhtar bi yamul fofu lolou mo gën manam muhtar bi lay wax nak waxuma daruri bi mi ngi jexé fajar manam bu fajar gi xaré ci la julli gi jexé mais muhtaru gi haqiqatan mi ngi am kon ci diggu guddi gi mais nga julli ko ci tiers bu ñëkk bi manam ci dernier ci premier tiers bi juste ci limite bobu lool mom moy li gën comme yent bi limo xon sallallahu alayhi wasallam bi jul mu ne bi guddi gi di xat ci la genn dan innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati li moy waxto budul won buguma mo indi xat ci toona gi man kon moy moma moy kon ci tier bi boba lol mom motax ñu borom xam xam yi nga xamantene rahmatullah alim dañ motax ñuy wax ne ci tier bi lol limi tek moy comme tier bi ñet tier la ci tier bi ci digg bi mi tambale manam kon moy genn walu gi fofu non manam tier bobu non ci la yantou sallallahu alayhi wasallam julli waxtu bi balam ko moy heure bi gën ci gën moy juste moment wu tier bi tieru guddi gi juste moment wu tieru guddi gi manam moy la moy pas heure bi mu joté mais gën nga yexiko par contre amna erreur bu ñu bari di wax nan gën mom lu gëna yex mo gën deug la mais ci condition mu nekk ci muhtar bi pas lu muy gën di yex mo gën moy nga bayiko ba fajar du lool de ba fajar di waja jot du lool lol mom da wara leer legui nak ñu ñew ci question bi nga xamantene mom la adja soxna poser manam mom moy preference bi preference amu ci heure boko julle nga manam mën nga ko julle non parce que lolu manam jamo bi rek lañuy bayyi xel wallahu ta'ala a'lam baax na waaka ñu man boy julle nit mu lay jité wa wala nga julli yow kess sax wa legui fekk bi muy seug ni gem feñ wa am di ye jité yow kum jité no def bobo da la ngay konni ci yegal julli bi wala non parce que ndigli amna ñaar bu fekkante na ndig li feñ manam moy ci awra la bok manam parce que dafa am d'abord ndig li ak awra bi manam ma parce que voilà manam parti wu awra bi su fekkene parti bobu mom mo feñ mom ci bopam djulum da yaq mais su fekkene parti bi feñ ci dig ginaaw gi manam du batay taxul mu yegg deug ci awra yi lolou djulli gogou du yaq bu boba nak djulli mom su yaqo yow da ngay daari manam da nga daal di berse julli lool nak ñu mëna baye xel la surtout les goor ñi ñu baye ko xel parce que di top moddu ba di yak sey julli baxut amna ño xamantene effectivement dañuy sollu gi chemise yu gatt boole ko jiin yoy nga xamne day wad bëgg di julli lool man tane manam han fokk ñu koy baye xel. Voilà, parce que sous parce que lolu matna baye xel. Voilà. Ni abal man ki fi nga wax legui ni la bëgg lacc moy ci ki na am ni ndigam dafa feñ. Wa. Boy berso julli legui da ngay yeggalé wala da ngay commencer wa? Non, da ngay yeggalé. Dang koy yeggal. Wa. Legui sank ba nga doon wax ci yeen fi salaam boole nak ci bar ak takusan julli juroom ñetti raka wa manam dafa julli ñent seulmal julli ñent seulmal manam da julli ci bar daf ko dagge daf ko wax juroom ñett rek mais juroom ñett yi da ko tuddé motax mu ne az-zuhr wal asr manam ngir mur fi wéré ko non tisbar ak takusan boudé imam bi awram dafa feñ comme niñ ko waxé yo do xaar sax mu arrêté juroom da ngay ber da ngay ci saasi wa wa manam yow da ngay mais meun nga continuer ak ñom mais da ngay yéne manam da ngay yéne ni takaliko nga genn nga loolu lañuy wax salatul muhazzat manam moy julli gi nga xamantene yaa ki ngay julle lool yéne bokk li ngeen démé bokko leen li ngeen di julli mais ci cadre figure yo lay dagane par exemple salatul muhazzat lu ñuy daganal sa su ne ku mu neex rek ñu ne ñoxor jaay rek mu ne damay ber sama julli dedet. Voilà, kuy julli ci wax garou li da ngay yene fay wala da ngay da ngay yene julli ci waxto joxe ngay yene mais sauf que daouri bi bokoy julli te manone julli ci muxtar bi da ngay am bakkar lolo tax mu am digeunte muxtar ak daouri bi kon amna différence julli entre muxtar ak daouri waaw muxtar bi daouri bi moy pour borom nganti moy li nga don laaj leg luy ngant pour ñooñu la daruri bi pour ñooñu la voilà mais pour ñi borom ganti la lool mom motax par exemple comme waxtu wi nga xamne mom lañ wax muxtar mom la ko ñepp wara julli mais bu fekkante ne tay par exemple xala bi majeur la ci digënté bi koku dañ nan ko amon nga lor kon ci waxtu lor bo waxtu ngant gog nga ko julli ki nga xamantene jigeen la gu gis mbeureugum di muy doga set naka awa yow amon nga ngant bu julli woko moma be legi julli ko fi ki et cetera non la demé ki don nelaw yewut wala ki xam di doga ximiliko wala ki dofon di doga wir voilà ñoñu lool moy seen waxtu yi wa mais parce que si on est propre après le mortar on est toujours dans la rue on doit rattraper la prière non on fait la prière mais à l'heure maintenant si on ne le fait pas alors qu'on peut c'est à dire que si on ne le fait pas dans le mortar la question c'est parce que tu as parlé là de non moi wa quand si tu es propre après le mortar oui tu ne fais pas si ah tu fais si tu es dans la rue oui so nekki ci daru ri bi da nga wara julli tay fim tolu takusa lol nañ ko bayyi xel han parce que gis na ni jigen ñu bari xamuñu lol buñu sété leen la nga gis jigen jo xamantene bon j'aime pas le terme sec mais manam buñu deñé ci buñu paré sen mbeureuti da nga gis ko xamantene paré na par exemple timis bi 17h 4 la da nga gis ko xamantene paré na mbeureugam 16h50 ko li mu gaw def sanguji ñew julli tisbar ak takusan su ci xajé c'est à dire su mëne julli ñenti juroomi rakka jant 17h04 do ko jot dafa wara julli tisbar ñent julli ben rakka ci takusan 17h04 da na jot mais comme amna ben rakka mi ngi ci biir julli mi ngi ci julli na heure takusan ci heure legui mu yo motali yenen ñetti rakka yi bu 17h06 wala 7 joté 8 bu paré mu dogu julli timis lolou moy liko war mais da ngay gis ko xamantene day paré ci lolou mu nan mais su fekente ne lolou matuko légui su fekente ne par exemple 17 mom munu fe sangu julli fi ñenti rak lu mat juromi rakka légui day da bu paré day julli takusan kessé bu boba tisbar do ko koy wacc mais comme ni ñen ñi di def naan way set na legi bo xamna ma xaram timis bi jot ma do nga sangu yi yo dedet lu lool de oui c'est ce que cela veut dire timis c'est à dire que foko deful da nga wara fay timis ak ge do nga julli suba voilà wa eh den ngeen yeen den ngeen mais seigne moussafa amna est ce que den ngeen lima wax non est ce que den ngeen ah seigne moussafa amna ño xamni ni ñom dañuy set par exemple deuxième soxna yi neew wa bo len deme ngeen netali bo len deme ngeen netali ñom sara ak ñu alat et so len deme ngeen netali ngeen la wa ak man à 2h du matin da nga wara julli timis ak ge soko diful ba fajar jot da nga wara fay timis ak ge dogu julli fajar ak suba soko diful su julli fajar baxul lolou la len di wax mais seigne moussafa am nga xamne ñom takusan lañuy set mais lendemain lañuy julli ñom pour ñom yeneen waxtu duñ ko julli wa ñaka xam la mais lolou la len di wax non mais ce qui est impressionnant non mais c'est à dire ce qui est impressionnant hein non parce qu'elle m'a dit comment tu sais qu'à 10h du matin t'es propre parce que ça peut revenir Maliko non mais je donne un exemple si si non enquête tu sais que c'est là non mais parce que c'est il y a deux mandarga nous nous savons que c'est là si on dit que c'est un al-qasatul bayda moy li guen nek lu wex kessé de telle sorte que so jëlé coton wala benen morceau tek ko fi mi guenné boko xolé lu wex rek ngay gis lolu bu lolu amé lolu moy sék nga même bu fekkenté né buñ démé ba ca kanam ak kanam lénen mën na guen mais moment bobu lolu guen na sék té lénen li di guen ci ginnaw lolu kenn duko konté mbeureuk bu fekkenté né moy nga xamanté né comme genre raxasit la wala lu xawal jaune wala yu mel non lolu da wara leer légi lolu mu'atiya radhiyallahu anha kunna la na'uddu al-qudra al-qudrat was-sufra ba'da al-hayd shay'an ñun daanuñu konté fi ahd rasulullah sallallahu alayhi wasallam kunna la na'uddu fi ahd rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-qudrat was-sufra ba'da al-hayd shay'an daanuñu konté bolé maam da né li nga xamne moy yu raxasit yi li nu rok raxasit ak li nga xamantene da fay nu rok comme comme yak bu ñu raxas quoi moy al-qudra ak li nga xamantene dañ day nu rok da fay jaune lolu nonu ginnaw ba mus bañu sété ci mbeureug bi lolu doot ñu ko konté dara legi lolu kon do lolu du mbeureug legi su fekkentene lolu nit ki da ka gis jigen ni da ka gis ginnaw ba mu gisé lu wex yoy lolu doot mbeureug bon moy premier mandarga ñaarelu mandarga moy li ñuy tuddé al dufuf moy fendi moy lan moy su fekente ne fi direct di génné dama jël coton wala morceau wala yu mel nonu tek ko ci génné ko xol gisuma dara takati lu xonku manam wala bok direct di takati lolu moy sama mbeureuk jeexna manam ñaar yi benn bo ci gis moy sa mbeureuk arrêté na té bu boba da nga wara lan da nga wara sangu julli te benen affaire amna moy mbeureuk meuna arreter legui reprendre ci ngone gi te bu boba legui ni bi arreter damay julli damay julli damay sangu julli su reprendre ma arreter mais xam ngeen dafa am lu mata bayyi xel et c'est impressionnant moy le fait que mbeureug yi affaire yi ci aju jigeen ñi la gëna concerner mais ñu gëna rire goor ñi déjà xamuñ ci dara légui légui voilà voilà waaw ah dafa technique dafa technique dafa bari ay cas yu dul jeex non le est-ce que mais du lol lay wax ni mais non mena le su fekente ne parce que lumu intermittent du yegg fo xamantene soit da ngay gis luñu tuddé al qasatul bayda moy lu wex lolou may wax parce que bu guenné ba set moy lu wex rek kay guen bu guenaté dotul and ak benen couleur lu wex rek lay don voilà d'accord ngeen wala mu and ak li nga wala bok mu nek li nga xamantene mom moy al dufufu moy ne so jilé coton masalan nga tek ko fimi guenné nga gis né mu set la manam ñaar yi ni surtout bu ñëk bi mënul am fekk mbeureug bi jéxul parce que manam même bu fekké né nekul di génn parce que bu dé nekul di manam tay par exemple bu né dernier jour bi da fay dag deug la day dagé mais limi dagé yépp bu dé da nga jël coton nga tek ko fi mi génné di nga gis né lan di nga gis mu am lu ci tak fokk gis lu ci tak bo demé nak ba gisoto dara lu ci tak moment bobu lay wax est ce leer na legui leer na wala ah voilà si non xam nañ ko mais attention c'est que ñom parfois en fait parfois ñom dañuy set continuer baña japp ne situñu wala bok ñu baña set ba paré japp ne war nañu set ndax affaire gennatul comme nam da genné avant manam lool yëp da ci am alors que dernier jour yi day ralentir ni mi genné dootul nekati ben manam il faut ñu comprendre lool Oui, c'est en plus. Voilà. Lolu jangale nako def na ci ay ki yu voilà yu am solo ci seigne bi waxon nga ni concerne wu jigen ni kess obligation voilà ñun ni ñu xam ko parce que kenn bu fi mbi sa jawal nan ko nako jangal lolu dem len ngeen jang ko après ngeen wax ngeen expliquer len ah oui mais surtout jigen ni ñoko wara gëna xam dafa compliqué certes dafa bari technique mais cas de figure yu ne dafa après bo xese ba xam règle yu makki après nga xam ay cas de figure yoy dang ci meuna joggé xam maintenant manam maîtriser quoi bana legui ñu wosifa akay wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin